J'ai un cœur, je suis affectif. Si t'es mon frère, ouais, je viendrai riche. Un peu de salade pour l'insomnie.